les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Contemporain de Choderlos de Laclos et du marquis de Sade, mais très différent, pour le moins, de ces deux grands écrivains. On ne peut résumer l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre au roman Paul et Virginie, et encore moins à la dernière et tragique scène qui voit, comme on l'a tous en mémoire bouleversée, le Saint-Géran disparaître dans les flots alors qu'il allait aborder la terre de l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, ramenant Virginie à Paul. Laclos, Sade, Bernardin de Saint-Pierre avait fréquenté Rousseau et comparé leurs vertus et leurs larmes. Les harmonies de la nature et de la vertu, l'importance de la géographie humaine, anthologie humaine, le 22 juillet 1959 sur la chaîne nationale. Anthologie française. Aujourd'hui, Bernardin de Saint-Pierre par Stanislas Fumet. Avec le concours de Martine Sarcin, Georges Aminel, Madeleine Sylvain, Yvonne Rosil et Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française. Prise de son, Pierre Planès, assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Une énigme psychologique, ce Bernardin de Saint-Pierre. Aimait-il la vertu avec passion, comme il s'en vante à tout bout de champ dans ses œuvres de naturaliste émerveillé, qui a facilement l'œil humide? Ou ne la considérait-il, cette muse ardente et pudique à la fois, que dans son esprit, la tenant à distance pour mieux l'adorer? Ami de Jean-Jacques Rousseau et philosophe lui-même, il n'était pas le seul amateur de vertu, à la belle époque des bergeries idéales et des couches profondes où les corps déshabillés de leur vertu s'ébattaient dans les plumes de l'adultère, tandis que le petit cupidon doré au-dessus des têtes soulevait les courtines du lit. La vertu rafraîchissait les âmes, alors, et excitait les appétits les plus dépravés. Étrange XVIIIe siècle, si mal compris par le XIXe engendré de lui, qui substitue la lourdeur de son sérieux à la légèreté si cruelle du libertinage aristocratique. Avec la lente promotion de la classe bourgeoise, une ascension difficultueuse sur un rythme tantôt de régiment, tantôt de procession, on ne badinera plus avec les dieux de l'Antiquité. La transition ne s'est pas faite en un jour, et on a beaucoup sacrifié à Mars, avant de sacrifier plus encore à Mercure, de Napoléon Bonaparte à Monsieur Thiers. Mais c'est la grandeur de l'homme, c'est le Romain à toge, le citoyen, qui succède aux personnages de Théocrite et de Longus, aux divinités bocagères. Adieu Parny, adieu Chénier. Bernardin de Saint-Pierre, qui écrivit dès avant la Révolution française, qui vécut sans trop de dommages pour lui la dite Révolution, elle se contenta de lui retirer la place d'intendant du Jardin des Plantes où Louis XVI l'avait placé, tourna son cœur du côté de Napoléon avec d'autant plus d'empressement que Louis Bonaparte avait pleuré toutes les larmes de son adolescence au récit des malheurs de Paul et de Virginie. Plus tard, l'empereur sut gré à Bernardin de l'avoir si profondément ému. Ce n'est pourtant pas à Napoléon que Bernardin s'attacha le plus parmi les Bonapartes, mais à son frère Joseph. Il salue ainsi les deux frères, les tenant embrassés dans un même geste d'attendrissement sur une vision de printemps universel, car Bernardin a la gratitude lyrique. Déjà la France apparaît au-dessus des orages, les feux gémeaux de Castor et Pollux étincellent sur sa tête dans un ciel d'azur. Ils annoncent la fin de nos affreuses tempêtes. Oh Napoléon! Que ta puissante étoile repousse au loin ces ambitions effrénées qui rugissent encore autour de nos frontières. Et toi, Joseph, seconde de ta bienfaisante philanthropie, ton frère toujours victorieux. revenons en arrière. Vous aviez 52 ans quand éclata la Révolution, Bernardin. Vous étiez depuis un an l'auteur de Paul et Virginie, mais vous aviez publié auparavant ce remarquable voyage à l'île de France dont vous avez retenu les plus jolis détails descriptifs pour votre pastorale célèbre. Et aussi votre chef-d'œuvre, les études de la nature, pour lesquelles vous aviez prévu ce même, toujours le même petit livre, la pastorale dont nous parlons, Paul et Virginie. C'est dire que l'écrivain que vous étiez avait déjà donné son plein. 89 vous incita à publier ses vœux d'un solitaire, qui allait dans le sens de la Révolution de 1789, toute humaine, fraternelle et non encore diviseuse. Après la Révolution sanglante, paraîtra la douce chaumière indienne, qui est une pièce d'anthologie classique, et les harmonies de la nature, où vous répétez vos idées sur l'harmonie universelle. Mais l'homme, quel homme avez-vous été, aimable Bernardin? Vous avez eu, comme on dit, une enfance mouvementée. Vous êtes né au Havre en 1737, vous vous prénommiez Bernardin, on a cru plus tard que c'était votre nom, et vous appeliez de Saint-Pierre, comme cet Eustache dont votre famille prétendait descendre et qui a laissé un si bel exemple de vertu civique, puisque Eustache de Saint-Pierre fut à la tête de ces bourgeois de Calais qui vinrent, les pieds nus et la corde au cou, se mettre à la discrétion du roi d'Angleterre Édouard III afin d'obtenir sa pitié pour leur bonne ville. Vous aviez de l'imagination, jeune Bernardin, de la fougue. Elles auraient pu être mises en valeur par ces deux vocations que l'on vous a connues tour à tour, marin puis missionnaire. Vous n'avez été ni l'un ni l'autre. À 20 ans, vous êtes entré à l'école des ponts et chaussées. À 23 ans, vous étiez officier ingénieur. Vous fîtes des campagnes, vous y perdîtes même votre grade pour faute d'insubordination. Vous n'en mourîtes pas, mais à Paris, vous souffrîtes de la gêne. On y vit médiocrement en donnant des leçons de mathématiques. Mais nous vous voyons passer en Hollande, et de là en Russie, où vous emportez le noble projet de philanthropie qui tient dans votre cœur. C'est un philosophe, ce n'est plus un militaire, qui se rend en Pologne pour y défendre la cause de l'indépendance. Une princesse polonaise vous accueillit avec faveur, il est vraisemblable que vous l'aimâtes éperdument. Les feux de son côté s'éteignirent assez vite, hélas, comme ils s'étaient allumés, et vous rentrâtes en France à l'âge de 34 ans, ayant déjà beaucoup voyagé. Mais ce n'est rien. Vous allez bourlinguer en des régions bien plus lointaines, Bernardin de Saint-Pierre. Vous allez partir, vous aussi, sur la mer Océane, à la rencontre de l'Amérique et des tropiques, et c'est ainsi que le naturaliste ira visiter dans l'océan Indien une de ces terres entourées d'eau qui gardaient à l'époque, pour un Européen, leur attrait, leur danger et leur charme. Vous voilà en route pour l'île de France, aujourd'hui île Maurice, où vous êtes envoyé comme ingénieur du roi. Vous parcourez l'île en long, en large et en travers, vous en relevez toutes les espèces de plantes et d'oiseaux, toutes les formes, toutes les couleurs, vous y regardez les gens vivre de la nature, les noirs, quelques blancs aussi, et n'oublierez ni les sites que vous avez étudiés, ni les personnages qui se plaçaient dans ce décor. Vous êtes un observateur très artiste et plein d'attention. Votre mémoire visuelle est étonnante. Vous inventez la géographie humaine. Vous y ajoutez votre science, toute libre et pleine d'intentions, autrement dit, de la philosophie optimiste. Vous avez au ciel des positions solides. Vous êtes capable de faire abstraction du mal. Vous avez tellement l'art de séparer le bon grain du mauvais que vous arrivez en un tournement de ce pays qui peut passer à certains moments pour aride et très incommode à tirer un Éden qui n'est pourtant pas mensonger. Ce qui prouve, Bernardin de Saint-Pierre, que vous avez l'âme positive. Je sais bien que vous vous servirez des beautés de l'île de France pour appuyer vos théories sur les harmonies de la nature et de la vertu, comme nous le rappellerons. Mais enfin, vous recevez des lumières. À telle enseigne que, lorsque vous rentrez des tropiques, vous nous revenez à Paris écrivain. Et c'est alors que vous fréquentez Jean-Jacques, avec qui vous êtes sensiblement d'accord. Vous comparez vos vertus et vos larmes, ainsi que le font dans Paul et Virginie ces deux dames créées un peu à vos images, la digne Madame de la Tour, qui avait perdu son mari après avoir donné naissance à Virginie, et la non moins digne fille-mère, la Bretonne Marguerite, dont Paul est le fils. Pour moi, j'ai mérité mon sort, mais vous, Madame, vous, sage et malheureuse, Ah, Dieu veut finir mes peines, puisqu'il vous inspire plus de bonté envers moi, qui vous suis étrangère, que jamais je n'en ai trouvé dans mes parents. 2 ans après votre séjour en cette île, Bernardin, paraissait votre voyage à l'île de France, qui est un rapport instructif et précieux, dépassant même en intérêt l'excellent journal historique du voyage au Cap de Bonne-Espérance qu'avait publié l'abbé de Lacaille. Vous êtes un œil, plus qu'une intelligence. Vous êtes des sens, permettez-moi de le dire, plus qu'un cœur. Vous avez le nerf olfactif aussi développé que le toucher. Comment oublier les descriptions senties que vous avez faites de telle ou telle plante, de tel arbre et de ses fruits. Votre cocotier, pour n'être pas aussi beau que celui de Paul Claudel faisant le geste de montrer son cœur, est déjà bien expressif, sorte de palmier, dites-vous, qui se plaît dans le sable. C'est un des arbres les plus utiles du commerce des Indes. Cependant, il ne sert guère qu'à donner de mauvaises huiles et de mauvais câbles. On prétend qu'à Pondichéry, chaque cocotier rapporte une pistole par an. Des voyageurs font de grands éloges de son fruit. Le cocotier se plaît tellement près de l'eau salée qu'on met du sel dans le trou où l'on plante son fruit pour faciliter le développement du germe. Pour vous, l'imagination de la Providence est inépuisable. Elle a pensé à tout en pensant à nous. Votre définition du melon est trop connue pour que j'y insiste. Mais prenons le badamier qui paraît dans le voyage et dans Paul et Virginie. Le badamier semble avoir été formé pour donner de l'ombrage. Il s'élève comme une belle pyramide, formée de plusieurs étages bien séparés les uns des autres. On pourrait, dans leurs intervalles, construire des cabinets charmants. Son feuillage est beau. Il donne quelques amandes d'assez bon goût. Pour en revenir au cocotier, l'image s'en retrouve jusque dans le monument en bronze de notre jardin des plantes, élevé à la gloire de Bernardin de Saint-Pierre. Son feuillage clément abrite les amours naissantes de 2 enfants. Madame de la Tour et Marguerite avaient planté 2 cocos ensemble au-dessus d'une fontaine qui sortait du pied d'un rocher. Il naquit de ces 2 fruits 2 cocotiers qui formaient toutes les archives de ces 2 familles. L'un était l'arbre de Paul et l'autre l'arbre de Virginie. Ils crurent tous 2 dans la même proportion que leur jeune maître, d'une hauteur un peu inégale, mais qui surpassait au bout de 12 ans celle de leur cabane. La nouveauté de la vision a fait de Bernardin de Saint-Pierre un peintre primitif. N'est-ce pas beaucoup? Il y a en lui du douanier Rousseau, mais avec un métier d'écrivain classique, le dessin d'un Greuze, et des roublardises de narrateurs dont le pinceau du petit employé d'octroi ignore les équivalences, mais leur art a peut-être des saveurs égales. Comparant Paul et Virginie à une idylle de Théocrite, Cyclope et Galatée, Chateaubriand dit de cette peinture qu'elle lui est supérieure parce qu'elle doit son excellence à la religion chrétienne. Il est certain que le charme de Paul et Virginie, déclare-t-il, consiste en une certaine morale mélancolique qui brille dans l'ouvrage et qu'on pourrait comparer à cet éclat uniforme que la lune répand sur une solitude parée de fleurs. Or, quiconque a médité l'Évangile doit convenir que ces préceptes divins ont précisément ce caractère triste et tendre. Les romantiques voyaient au christianisme ce caractère de tristesse et de tendresse. Baudelaire y fait allusion dans son étude sur Delacroix. C'est un point de vue romantique. On connaît l'histoire. Marguerite la Bretonne et Madame de la Tour ont 2 cabanes proches l'une de l'autre, que le narrateur leur a construite lui-même sur les principes de la morale philosophique, disons communiste. 2 portions de terrain situées l'une en haut, l'autre en bas. À peine la seconde de ces cabanes était achevée que Madame de la Tour accoucha d'une fille. J'avais été le parrain de l'enfant de Marguerite, qui s'appelait Paul. Madame de la Tour me pria aussi de nommer sa fille conjointement avec son amie. Celle-ci lui donna le nom de Virginie. Elle sera vertueuse. Et elle sera heureuse. Je n'ai connu le malheur qu'en m'écartant de la vertu. Ici le rapprochement que l'on attendait. Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle redoublait à la vue de leurs enfants, fruit d'un amour également infortuné. Elle prenait plaisir à les mettre ensemble dans le même bain et à les coucher dans le même berceau. Souvent, elle les changeait de lait. Madame de la Tour disait à Marguerite: « Mon ami, chacune de nous aura 2 enfants et chacun de nos enfants aura deux mères. Quand on en rencontrait un quelque part, on était sûr que l'autre n'était pas loin. Un jour que je descendais du sommet de cette montagne, j'aperçus à l'extrémité du jardin Virginie qui accourait vers la maison, la tête couverte de son jupon qu'elle avait relevé par derrière pour se mettre à l'abri d'une ondée de pluie. De loin, je la crus seule et m'étant avancé vers elle pour l'aider à marcher, je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppés presque en entier dans la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention. Ces deux têtes charmantes, renfermées sous ce jupon bouffant, me rappelèrent les enfants de Léda enclos dans la même coquille. Les deux enfants grandissaient entre leurs deux mères, les deux noirs, Domingue et Marie, son épouse. Et Fidèle, c'est le chien, gambade de l'un à l'autre. Le vieillard qui raconte l'histoire est l'idéalisation de Bernardin lorsqu'il parviendra à l'âge où la sagesse tempère toutes les ardeurs du sang. C'est le Nestor d'Homère. Voyons ce Nestor comme il regarde Virginie, puis Paul. Virginie n'avait que 12 ans. Déjà, sa taille était plus qu'à demi formée. De grands cheveux blonds ombrageaient sa tête, ses yeux bleus et ses lèvres de corail brillaient du plus tendre éclat sur la fraîcheur de son visage. Il souriait toujours de concert quand elle parlait, mais quand elle gardait le silence, leur obliquité naturelle vers le ciel leur donnait une expression d'une sensibilité extrême, et même celle d'une légère mélancolie. Pour Paul, on voyait déjà se développer en lui le caractère d'un homme au milieu des grâces de l'adolescence. Sa taille était plus élevée que celle de Virginie, son teint plus rembruni, son nez plus aquilin, et ses yeux, qui étaient noirs, auraient eu un peu de fierté si les longs cils, qui rayonnaient autour comme des pinceaux, ne leur avaient donné la plus grande douceur. Quoiqu'il fût toujours en mouvement, dès que sa sœur paraissait, il devenait plus tranquille et allait s'asseoir auprès d'elle. Souvent, leur repas se passait sans qu'ils se disent un mot. À leur silence, à la naïveté de leurs attitudes, à la beauté de leurs pieds nus, on eût cru voir un groupe antique de marbre blanc représentant quelques-uns des enfants de Niobé. Mais à leur regard qui cherchait à se rencontrer, à leur sourire rendu par de plus doux sourires, on les eût pris pour ces enfants du ciel, pour ces esprits bienheureux dont la nature est de s'aimer et qui n'ont pas besoin de rendre le sentiment par des pensées et l'amitié par des paroles. Bernardin de Saint-Pierre voulait un peu forcer la nature pour en faire cet Éden dont il nous offre un symbole dans le double enclos où vivent pauvrement et vertueusement ces deux familles chères à Dieu. Comment forcer la nature, sinon par la vertu, seule capable d'extirper le mal de son sein. La vertu, liée indissolublement à la raison, car tout est là pour ces révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, aide la nature à n'être que du bien pour l'homme vivant. Tel est le secret du bonheur. Bernardin l'a écrit. L'homme, même le plus dépravé par les préjugés du monde, aime à entendre parler du bonheur que donne la nature et la vertu. Alors, dira-t-on, pourquoi l'homme n'est-il pas heureux, comme le voudrait la Providence et comme le veut, à son exemple, le philosophe déiste? Eh bien, c'est que la nature est contrariée par le manque de vertu. Comme dans la Bible, c'est le serpent de la Genèse qui fait son œuvre. Et il règne sur la société. L'Évangile ne le nomme-t-il pas prince de ce monde? Voilà où notre Bernardin retrouve Jean-Jacques. C'est la société des méchants qui fomente le mal, parce que cette société acquise, où nous existons, loin de tendre à la vertu, comme il se doit, corrompt les bienfaits de la nature. Ce Bernardin, si débonnaire pour les enfants de Dieu et de la nature, il est plein de sarcasme à l'endroit des gens du monde, l'affreuse tante de Virginie, qui a trouvé cette excuse hideuse pour ne pas donner. Et le mot est digne de Léon Blois. « Peu ne vous servirait à rien, » écrit-elle à Madame de la Tour, « et dans la vie simple que vous menez, vous embarrasserez. » Mais le ciel se venge, dit Bernardin, en envoyant aux âmes cruelles des religions effroyables. La sienne est une morale toute philosophique. Seulement, comme le disait Chateaubriand, Bernardin est chrétien. Ce ne sont pas les dieux qui séparent Virginie de Paul et qui vouent la jeune fille trop vertueuse sous les yeux de spectateurs qui l'auraient vue nue dans la tempête si elle s'était déshabillée, car elle a préféré mourir plutôt que de se dévêtir en public. Ce ne sont pas les dieux qui frapperont le noble Paul et précipiteront dans la mort, coup sur coup, la pauvre Madame de la Tour et Marguerite et le bon nègre et jusqu'au chien fidèle. Non, c'est le mépris de la nature. C'est un instant de manque de foi dans le bonheur qui a détaché la jeune vierge de son amant, qui a coupé en deux le beau fruit qui devait rester un. Les dieux n'y sont pour rien. C'est l'homme qui a failli, l'homme et ses conventions, l'homme perverti qui a créé la société dont il devient l'esclave, construite sur une injustice et un faux équilibre. Paul et Virginie n'avaient ni horloge, ni almanach, ni livre de chronologie, d'histoire et de philosophie. Quand on interrogeait Virginie sur son âge et sur celui de Paul... Mon frère est de l'âge du grand cocotier de la fontaine et moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné 12 fois leurs fruits et les oranger 24 fois leurs fleurs depuis que je suis au monde. Ainsi croissaient ces deux enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur front. Aucune intempérance n'avait corrompu leur sang. Aucune passion malheureuse n'avait dépravé leur cœur. L'amour, l'innocence, la piété développaient chaque jour la beauté de leur âme en grâces ineffables dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements. Au matin de la vie, ils en avaient toute la fraîcheur, telle dans le jardin d'Éden, parurent nos premiers parents lorsque, sortant des mains de Dieu, ils se virent, s'approchèrent et conversèrent d'abord comme frères et comme sœurs. Virginie, douce, modeste, confiante comme Ève, et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d'un homme, avec la simplicité d'un enfant. Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand du haut de la montagne je t'aperçois au fond de ce vallon, tu me parais au milieu de nos vergers comme un bouton de rose. Si tu marches vers la maison de nos mères, la perdrix qui court vers ses petits a un corsage moins beau et une démarche moins légère. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver. Quelque chose de toi que je ne puis dire reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assieds. Lorsque je t'approche, tu ravis tous mes sens. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux, le chant des bengalis moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout du doigt, tout mon corps frémit de plaisir. Souviens-toi du jour où nous passâmes à travers les cailloux roulants de la rivière des Trois Mamelles. En arrivant sur ses bords, j'étais déjà bien fatigué, mais quand je t'eus prise sur mon dos, il me semblait que j'avais des ailes, comme un oiseau. Dis-moi par quel charme tu as pu m'enchanter. Est-ce par ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce rayon de miel, je l'ai pris pour toi au haut d'un rocher. Mais auparavant, repose-toi sur mon sein, et je serai délassé. Oh mon frère, les rayons du soleil au matin au haut de ces rochers me donnent moins de joie que ta présence. J'aime bien ma mère, j'aime bien la tienne, mais quand elle t'appelle mon fils, je les aime encore davantage. Les caresses qu'elles te font me sont plus sensibles que celles que j'en reçois. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes. Mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux, élevés dans les mêmes nids. Ils s'aiment comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. De même, quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte au haut de la montagne, j'en répète les paroles au fond de ce vallon. Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs. Mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive aucun mal. Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des fruits et des fleurs? N'en avons-nous pas assez dans le jardin? Comme te voilà fatigué. Tu es tout en âge. Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues, et elle lui donnait plusieurs baisers. Il y a là un ton pré-romantique, une innocence excessive, qui nous séduisent plus que les clameurs et les grandes lamentations romantiques. Bernardin est contemporain de Chauderlot et du marquis de Sade. Il a le ton de ce dernier, ou plus exactement, ce dernier emprunte son ton quand il regarde couler les pleurs sur le visage de la vertu à qui l'on a fait subir tous les outrages. Si Virginie, à Paris, allait connaître le sort de Justine, Bernardin y a pensé en frémissant. Devons-nous l'accuser d'hypocrisie à cause de cette ressemblance? Je ne crois pas. Sade et Bernardin parlent la même langue, ils baignent dans la même atmosphère, mais les solutions qu'ils apportent au problème du mal sont diamétralement opposées. L'un accepte la nature qu'il ramène à Dieu, son créateur, l'autre la rebrousse dans le sens inverse, comme un chemin qui ramène la création au néant par goût du mal. Cependant, Bernardin de Saint-Pierre est plus intense que le marquis de Sade, parce qu'une grande chaleur l'anime. Il y a des pages étonnantes dans Paul et Virginie, quand l'auteur fait la peinture de ces nuits ardentes de l'été tropical. Les pages notamment où la jeune fille découvre, à la faveur d'un orage, qui correspond si bien à sa devise, toujours agitée mais constante, qui est celle de la vertu pour Bernardin, la passion mystérieuse qui se répand dans son corps. Dans une de ces nuits ardentes, Virginie sentit redoubler tous les symptômes de son mal. Elle se levait, elle s'asseyait, elle se recouchait et ne trouvait dans aucune attitude ni le sommeil ni le repos. Elle s'achemine à la clarté de la lune vers sa fontaine. Elle en aperçoit la source qui, malgré la sécheresse, coulait encore en filets d'argent sur les flancs bruns du rocher. Elle se plonge dans son bassin. D'abord, la fraîcheur ranime ses sens et mille souvenirs agréables se présentent à son esprit. Elle se rappelle que, dans son enfance, sa mère et Marguerite s'amusaient à la baigner avec Paul dans ce même lieu. Que Paul, ensuite, réservant ce bain pour elle seule, en avait creusé le lit, couvert le fond de sable, et semé sur ses bords des herbes aromatiques. Elle entrevoit dans l'eau, sur ses bras nus et sur son sein, les reflets des deux palmiers plantés à la naissance de son frère et à la sienne, qui entrelaçaient au-dessus de sa tête leurs rameaux verts et leurs jeunes cocos. Elle pense à l'amitié de Paul, plus douce que les parfums, plus pure que l'eau des fontaines, plus forte que les palmiers unis. Et elle soupire. Elle songe à la nuit, à la solitude, et un feu dévorant la saisit. Aussitôt elle sort, effrayée de ces dangereux ombrages et de ces eaux plus brûlantes que les soleils de la zone torride. Elle court auprès de sa mère chercher un appui contre elle-même. Plusieurs fois, voulant lui raconter ses peines, elle lui pressa les mains dans les siennes. Plusieurs fois, elle fut près de prononcer le nom de Paul. Mais son cœur oppressé laissa sa langue sans expression. Et posant sa tête sur le sein maternel, elle ne put que l'inonder de ses larmes. Madame de la Tour pénétrait bien la cause du mal de sa fille, mais elle n'osait elle-même lui en parler. Mon enfant, adresse-toi à Dieu, qui dispose à son gré de la santé et de la vie. Il t'éprouve aujourd'hui pour te récompenser demain. Songe que nous ne sommes sur la terre que pour exercer la vertu. Cependant, Ces chaleurs excessives élevèrent de l'océan des vapeurs qui couvrirent l'île comme un vaste parasol. Les sommets des montagnes les rassemblaient autour d'eux et de longs sillons de feu sortaient de temps en temps de leurs pitons embrumés. Bientôt, des tonnerres affreux firent retentir de leurs éclats les bois, les plaines et les vallons. Des pluies épouvantables, semblables à des cataractes, tombèrent du ciel. Des torrents écumeux se précipitaient le long des flancs de cette montagne. Le fond de ce bassin était devenu une mer. Le plateau où sont assises les cabanes, une petite île. Et l'entrée de ce vallon, une écluse, par où sortaient pêle-mêle avec les eaux mugissantes, les terres, les arbres et les rochers. Toute la famille tremblante priait Dieu dans la case de Madame de la Tour, dont le toit craquait horriblement par l'effort des vents. Quoique la porte et les contrevents en fussent bien fermés, tous les objets s'y distinguaient à travers les jointures de la charpente, tant les éclairs étaient vifs et fréquents. L'intrépide Paul, suivi de Domingue, allait d'une case à l'autre malgré la fureur de la tempête, assurant ici une paroi avec un arc boutant et enfonçant là un pieu. Il ne rentrait que pour consoler la famille par l'espoir prochain du retour du beau temps. En effet, sur le soir, la pluie cessa. Le vent alisé du sud-est reprit son cours ordinaire. Les nuages orageux furent jetés vers le nord-est et le soleil couchant parut à l'horizon. La nature environnante reproduit ce qui se passe dans l'âme de Virginie. C'est le prolongement de ce que l'auteur appelle son mal, le mal d'amour. Et les torrents dont retentissent les bois, qui déferlent des nuages, les cataractes du ciel qui semblent s'être ouvertes comme pour le déluge, et pour finir, le jardin dévasté, cet Éden que Paul avait construit si patiemment pour sa bien-aimée. Vous aviez apporté ici des oiseaux. L'ouragan les a tués. Vous aviez planté ce jardin. Il est détruit. Tout périt sur la terre. Il n'y a que le ciel qui ne change point. On trouve ainsi dans l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, sous tant de douceur et de bienveillance, la présence continue d'un feu qui est exactement celui de la vertu. De même que la nature, qui va dans le même sens que la vertu, contient dans ses entrailles un feu secret, de même, ce qui fait l'essence de l'âme en harmonie avec la nature comme Dieu l'a faite, selon Bernardin de Saint-Pierre, c'est la pureté qui est, comme son nom grec l'indique, la qualité du feu. Il en allait tout de même pour la princesse de Clèves, qui n'est un roman tendu à ce point qu'à cause de ce même feu qui dévore l'amoureuse de Monsieur de Nemours. Mais au feu de Virginie, à sa passion virginale comme son prénom, Bernardin ne donne pas le même aliment que Racine à Phèdre ou Madame de Lafayette à sa princesse. Le petit livre est beaucoup plus philosophique sous son aspect pastoral que psychologique. Il est tout un enseignement. Bernardin ne croit peut-être pas à la chute si évitable que l'optimisme le rêve. Son histoire de Paul et Virginie a une fin qui arracha des larmes à plusieurs générations où l'on compte des capitaines d'armée, des poètes célèbres, des critiques éminents, des prêtres, des religieuses, d'innombrables lecteurs enfin qui n'ont pas pignon sur histoire. Pourtant, Bernardin ne se désespère pas. Son idylle est tranchée, comme le sera demain la tête de quelques ci-devant, de préférence féminine, par le couperet de la guillotine. Elle l'est par le mensonge social, proprement européen, la méchanceté des mal civilisés. Mais Bernardin a gagné, et sa philosophie, parce que la vertu et la nature ont triomphé. Il ne fallait pas envoyer Virginie à Paris chez sa tante. Elle n'aurait pas eu à revenir 3 ans plus tard par le Saint-Gérand. Il ne fallait point, sous prétexte que leurs conditions n'étaient pas équivalentes et que Paul était un bâtard, déchirer l'unité, comme nous le disions, de Paul et Virginie. Malheureusement, la fatalité voulut que M. de La Bourdonnais, gouverneur de l'île, apporta une lettre de la tante si riche qui offrait à Virginie de la prendre chez elle à Paris pour lui donner une éducation digne de son rang. Mademoiselle de La Tour ne savait ni lire ni écrire. La jeune fille obéit à son confesseur. Et la fatalité fit son œuvre. Il faisait une de ces nuits délicieuses, si communes entre les tropiques, et dont le plus habile pinceau ne rendrait pas la beauté. La lune paraissait au milieu du firmament, entourée d'un rideau de nuages que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l'île et sur leurs pitons qui brillaient d'un vert argenté. Les vents retenaient leurs haleines. On entendait dans les bois, au fond des vallées, au haut des rochers, de petits cris, de doux murmures d'oiseaux qui se caressaient dans leur nid, réjouis par la clarté de la nuit et la tranquillité de l'air. Tous, jusqu'aux insectes, bruissaient sous l'herbe. Les étoiles étincelaient au ciel et se réfléchissaient au sein de la mer qui répétait leurs images tremblantes. Virginie parcourait avec des regards distraits son vaste et sombre horizon, distingué du rivage de l'île par les feux rouges des pêcheurs. Elle aperçut à l'entrée du port une lumière et une ombre. C'était le fanal et le corps du vaisseau où elle devait s'embarquer pour l'Europe et qui, prêt à mettre la voile, attendait à l'ancre la fin du calme. À cette vue, elle se troubla et détourna la tête pour que Paul ne la vît pas pleurer. Madame de la Tour, Marguerite et moi, nous étions assis à quelques pas de là sous des bananiers et dans le silence de la nuit, nous entendîmes distinctement leur conversation que je n'ai pas oubliée. Mademoiselle, vous partez, dit-on, dans 3 jours. Vous ne craignez pas de vous exposer au danger de la mer dont vous êtes si effrayée. Il faut que j'obéisse à mes parents, à mon devoir. Vous nous quittez pour une parente éloignée que vous n'avez jamais vue. Hélas, je voulais rester ici toute ma vie. Ma mère ne l'a pas voulu. Mon confesseur m'a dit que la volonté de Dieu était que je partisse, que la vie était une épreuve. Oh, c'est une épreuve bien dure. Quoi ? Tant de raisons vous ont décidé et aucune ne vous a retenu ? Cruel. Je ne vous parle point de moi, mais que deviendrai-je moi-même quand le matin je ne vous verrai plus avec nous et que la nuit viendra sans nous réunir ? Quand j'apercevrai ces 2 palmiers plantés à notre naissance et si longtemps témoins de notre amitié mutuelle. Puisqu'un nouveau sort te touche, que tu cherches d'autres pays que ton pays natal, d'autres biens que ceux de mes travaux, laisse-moi t'accompagner sur le vaisseau où tu pars. Je te rassurerai dans les tempêtes qui te donnent tant d'effroi sur la terre. Je reposerai ta tête sur mon sein, je réchaufferai ton cœur contre mon cœur. Et en France, où tu vas chercher de la fortune et de la grandeur, je te servirai comme ton esclave. Heureux de ton seul bonheur, dans ces hôtels où je te verrai servi et adoré, je serai encore assez riche et assez noble pour te faire le plus grand des sacrifices en mourant à tes pieds. Les sanglots étouffèrent sa voix, et nous entendîmes aussitôt celle de Virginie qui lui disait ces mots entrecoupé de soupirs. C'est pour toi que je pars. Pour toi que j'ai vu chaque jour courbé par le travail pour nourrir 2 familles infirmes. Si je me suis prêtée à l'occasion de devenir riche, c'est pour te rendre 1000 fois le bien que tu nous as fait. Est-il une fortune digne de ton amitié? Que me dis-tu de ta naissance? Ah, oh, s'il m'était encore possible de me donner un frère, en choisirais-je un autre que toi. Oh Paul, tu m'es beaucoup plus cher qu'un frère. Combien m'en a-t-il coûté pour te repousser loin de moi? Je voulais que tu m'aidasses à me séparer de moi-même jusqu'à ce que le ciel pût bénir notre union. Maintenant je reste, je pars, je vis, je meurs. Fais de moi ce que tu veux. Fille sans vertu, j'ai pu résister à tes caresses. Et je ne peux soutenir ta douleur. À ces mots, Paul la saisit dans ses bras, et la tenant étroitement serrée, il s'écria d'une voix terrible : Je pars avec elle ! Rien ne pourra m'en détacher ! Nous courûmes tous à lui. Vous, ma mère, vous qui séparez le frère d'avec la sœur, tous deux nous avons sucé votre lait, tous deux, élevés sur vos genoux, nous avons appris de vous à nous aimer. Tous deux, nous nous le sommes dit 1000 fois. Et maintenant, vous l'éloignez de moi, vous l'envoyez en Europe, dans ce pays barbare qui vous a refusé un asile. Mère barbare, femme sans pitié, puisse cet océan où vous l'exposez ne jamais vous la rendre. Puisse ces flots vous rapporter mon corps, et le roulant avec le sien parmi les cailloux de ses rivages, vous donner par la perte de vos 2 enfants un sujet éternel de douleur.

comme nous disant un éternel adieu. Tous les matelots s'étaient jetés à la mer. Il n'en restait plus qu'un sur le pont, qui était tout nu et nerveux comme Hercule. Il s'approcha de Virginie avec respect. Nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'efforcer même de lui ôter ses habits. Mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ses cris redoublés des spectateurs. « Sauvez-la ! Sauvez-la ! Ne la quittez pas !» Mais dans ce moment, une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança en rugissant vers le vaisseau qu'elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. À cette terrible vue, le matelot s'élança seul à la mer et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son cœur, et levant en haut des yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les dieux. Oh, jour affreux, hélas! Tout fut englouti. La lame jeta bien avant dans les terres une partie des spectateurs qu'un mouvement d'humanité avait porté à s'avancer vers Virginie, ainsi que le matelot qu'il avait voulu sauver à la nage. Cet homme échappait à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable en disant « Oh, mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie, mais je l'aurais donné de bon cœur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. Domingue et moi, nous retirâmes des flots le malheureux Paul sans connaissance, rendant le sang par la bouche et par les oreilles. » On conduisit Paul chez les chirurgiens, puis on le transporta dans une maison voisine. Le narrateur et Domingue se rendirent chez Madame de la Tour. Quand nous fûmes à l'entrée du vallon de la rivière des Lataniers, des Noirs nous dirent que la mer jetait beaucoup de débris du vaisseau dans la baie vis-à-vis. Nous y descendîmes, et un des premiers objets que j'aperçus sur le rivage fut le corps de Virginie. Elle était à moitié couverte de sable, dans l'attitude où nous l'avions vue périr. Ses traits n'étaient point sensiblement altérés, ses yeux étaient fermés, mais la sérénité était encore sur son front. Seulement, les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues, avec les roses de la pudeur. Une de ses mains était sur ses habits, et l'autre, qu'elle appuyait sur son cœur, était fortement fermée et roidie. On l'enterra près de l'église des Pamplemousses, sur son côté occidental, au pied d'une touffe de bambou, où, en venant à la messe avec sa mère et Marguerite, elle aimait à se reposer, assise à côté de celui qu'elle appelait son frère. Celui-ci, Paul, fut inconsolable. Il erra longtemps entre les plaines et les montagnes. Monsieur de La Bourdonnais lui offrit de partir pour la France, il refusa. Le narrateur s'ingéniait à trouver des paroles sublimes pour le consoler. « Mais Virginie existe encore. Il y a un Dieu, mon fils. Toute la nature l'annonce. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Si nous, qui ne nous sommes rien donné, osions assigner des bornes à la puissance de laquelle nous avons tout reçu, nous pourrions croire que nous sommes ici sur les limites de son empire, où la vie se débat avec la mort et l'innocence avec la tyrannie ? Sans doute, il est quelque part un lieu où la vertu reçoit sa récompense. Virginie maintenant est heureuse. Ah, si du séjour des anges elle pouvait se communiquer à vous, elle vous dirait, comme dans ses adieux, « Oh, Paul, la vie n'est qu'une épreuve. J'ai été trouvé fidèle aux lois de la nature, de l'amour et de la vertu. J'ai traversé les mers pour obéir à mes parents. J'ai renoncé aux richesses pour conserver ma foi. Et j'ai mieux aimé perdre la vie que de violer la pudeur. Le ciel a trouvé ma carrière suffisamment remplie. J'ai échappé pour toujours à la pauvreté, à la calomnie, aux tempêtes, au spectacle des douleurs d'autrui. Aucun des maux qui effraient les hommes ne peut plus désormais m'atteindre. Et vous me plaignez, je suis pure et inaltérable comme une particule de lumière. Et vous me rappelez dans la nuit de la vie. Oh Paul, oh mon ami, souviens-toi de ces jours de bonheur, où dès le matin, nous goûtions la volupté des cieux se levant avec le soleil sur les pitons de ces rochers et se répandant avec ses rayons au sein de nos forêts. Nous éprouvions un ravissement dont nous ne pouvions comprendre la cause. Dans nos souhaits innocents, nous désirions être toutes vues pour jouir des riches couleurs de l'aurore. tout odorat pour sentir les parfums de nos plantes, tout ouïe pour entendre les concerts de nos oiseaux, tout cœur pour reconnaître ses bienfaits. Maintenant, à la source de la beauté d'où découle tout ce qui est agréable sur la terre, mon âme voit, goûte, entend, touche immédiatement ce qu'elle ne pouvait sentir alors que par de faibles organes. Puisque la mort est un bien et que Virginie est heureuse, je veux aussi mourir pour me rejoindre à Virginie. Je le ramenai à son habitation. J'y trouvai sa mère et Madame de la Tour dans un état de langueur qui avait encore augmenté. Marguerite était la plus abattue. Les caractères vifs sur lesquels glissent les peines légères sont ceux qui résistent le moins aux grands chagrins. Elle me dit... Oh, mon bon voisin, il m'a semblé cette nuit voir Virginie vêtue de blanc au milieu de bocages et de jardins délicieux. Elle m'a dit, je jouis d'un bonheur digne d'envie. Ensuite, elle s'est approchée de Paul d'un air riant et l'a enlevé avec elle. Comme je m'efforçais de retenir mon fils, j'ai senti que je quittais moi-même la terre et que je le suivais avec un plaisir inexprimable. Alors, j'ai voulu dire adieu à mon ami. Aussitôt, je l'ai vu qui nous suivait avec Marie et Domingue. Mais ce que je trouve encore de plus étrange, c'est que Madame de la Tour a fait cette même nuit un songe accompagné des mêmes circonstances. Mon ami, je crois que rien n'arrive dans le monde sans la permission de Dieu. Les songes annoncent quelquefois la vérité. Madame de la Tour me fit le récit d'un songe tout à fait semblable qu'elle avait eu cette même nuit. Pourquoi douter des songes? La vie remplie de tant de projets passagers et vains est-elle autre chose qu'un songe? Quoi qu'il en soit, celui de mes amis infortunés se réalisa bientôt. Paul mourut 2 mois après la mort de sa chère Virginie, dont il prononçait sans cesse le nom. Marguerite vit venir sa fin 8 jours après celle de son fils, avec une joie qui n'est donnée qu'à la vertu d'éprouver. Elle fit les plus tendres adieux à Madame de la Tour, dans l'espérance, lui dit-elle, d'une douce et éternelle réunion. La mort est le plus grand des biens. On doit la désirer. Si la vie est une punition, on doit en souhaiter la fin. Si c'est une épreuve, on doit la demander courte. Le gouvernement prit soin de Domingue et de Marie, qui n'étaient plus en état de servir et qui ne survécurent pas longtemps à leur maîtresse. Pour le pauvre fidèle, il était mort de langueur, à peu près dans le même temps que son maître. J'amenai chez moi Madame de la Tour, qui se soutenait, au milieu de si grandes pertes, avec une grandeur d'âme incroyable. Elle avait consolé Paul et Marguerite jusqu'au dernier instant, comme si elle n'avait eu que leur malheur à supporter. Quand elle ne les vit plus, elle m'en parlait chaque jour comme d'amis chéris qui étaient dans le voisinage. Cependant, elle ne leur survécut que 1 mois. Dans Paul et Virginie, le romantisme s'abreuvera longuement. Dans les liaisons dangereuses, qui sont un livre tellement plus neuf et plus puissant, il ne trouvera pas une goutte d'eau à laper. Anthologie française.